tendez vos mains, meurtrissent mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains. Enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fajette Nancy 94.2. Daniel avec vous, Yves à la technique, pour vous présenter Patchwork. Patchwork, à l'écoute des musiques du monde, une toute nouvelle émission consacrée à la chanson dans le monde. Bon, il s'agit d'un rendez-vous tous les 15 jours, rendez-vous, une émission d'une heure que vous retrouverez le dimanche matin à 10h. Patchwork, parlons-en, c'est du zouk antillais, Guadeloupe, eh oui, Martinique. Ce sont aussi des voyages musicaux au bout du monde ou tout près de chez nous. Et c'est également un thème composé de chansons françaises, souvent inattendues. Les voyages d'aujourd'hui, ils nous emmèneront en Turquie et au Tyrol. Le thème français, lui, sera consacré au bal. Attachez vos ceintures, c'est parti. On démarre avec le zouk antillais, celui que l'on danse en Guadeloupe et plus précisément au club du Blueberry, au Gosier, Cassav, ça y est. Ça y est qui pas bon, ça y est qui pas bon, ça y est qui pas bon, c'est Grandi lui qui a fait ça. Ça y est qui pas bon, ça y est qui pas bon. Ça y est qui pas bon, c'est Grandi qui a fait ça. Ça y est qui pas bon, ça y est qui pas bon, ça y est qui pas bon, c'est Grandi qui a fait ça. Ça y est qui pas bon, ça y est qui pas bon, ça y est qui pas bon, c'est Grandi qui a fait ça. Nous pas jamais satisfaits du tout, ça bon Dieu cabanou. Nous qu'on a golou et toujours plus en plus. Pas jamais ni assez, nous capter boutin plein. Ou pédissant, il y a des malheureux, pas jeune ni goutier. Et chaque jour qu'il est venu pour y aller, si bon Dieu. Même pour un petit aïe, un désignement se fait qu'il y ait arrivé trappé. Ça y est, qui pas bon, ça y est, qui pas bon, ça y est, qui pas bon, c'est que le délit a fait ça. Ça y est. Ça y est qui pas bon, ça y est qui pas bon, c'est que tu ricapes ça. Où t'en moi dire? C'est ça y est qui pas bon. Contenté, toi c'est toi, c'est ça. Je vais vivre prendre sommeil, fais signe la croix, les yeux qui les fait des mains. Ça si bien qu'à voler, il a qu'à chercher manger, il qu'a réfléchi, il qu'a dit. En tissu, il faut ça qui est bon pour y faire des bouillards. Si chance les frapper, mes péchés oubliés, si tout veut priper, ça dit merci. Qu'est-ce que chanter, ça y est, ou y'a pas d'homme, c'est ça y est, même un petit morceau. Ça y est qui pas bon, je peux vivre contenté. Toi, c'est toi, je peux vivre prendre sommeil. Mais c'est de la croix, les yeux qui les fait des mains. Ça y est qui pas bon, ça y est qui pas bon, ça y est qui pas bon, c'est que le délit qui a fait ça. Ça y est qui pas bon, ça y est qui pas bon, ça y est qui pas bon, c'est que le délit qui a fait ça. La joie, la joie. chance de frapper. Mais peut que oublier. Si tout veut priper, ça dit merci. Que chanter. Ça y est, qui pas bon. Un pied en Europe et le second en Asie. Trois ponts pour rejoindre les deux continents. Un des trois, ben c'est le Bosphore et c'est la Turquie. 80 millions d'habitants. La capitale, c'est Ankara, bien sûr, mais la plus grande ville, c'est Istanbul, septième ville du monde, avec 15 millions de Stambouliotes. Et puis, ben, on y verra Topkapi, le palais de Topkapi, la mosquée bleue, Sainte-Sophie, c'est la Turquie, et c'est la Turquie musique, Seval. Tyrolienne maintenant. La chanson tyrolienne, c'est aussi une forme de country qui concerne quand même 6 pays dans le monde. Alors on va en faire on va passer en revue. Il y a l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, la France avec l'Alsace, l'Italie et le sixième, je vous le donne en mille et mille, le Japon. En Autriche et en Allemagne, en yodel. En Suisse, en yacht. Et en France, on chante la tyrolienne. Alors, un petit truc, c'est comme ça qu'on apprend à chanter la tyrolienne. Boîte à outils. Oui, il faut de l'entraînement, hein, je vous dis tout de suite. Trio Zillertal. Ja, Heimat, ja, Heimat, dies hat bei dem Klang. Die Berge rufen mir von ferne zu. Oh. Place au zouk, Rachel Allison et Saïk, Tension. Et pas dire pourquoi ça partit à la base. Nous t'es cool, bien posé, carré à case. Mon démarre est tellement vite qu'elle manque ni dérapage. Laissez-moi mettre à la page. Toujours la vidéo, dis-moi ce qu'a songé. Ça qui fait nous pas bien, parce que chacun si vous montez yon de crise. Papita qui est soin, vous pète toute maîtrise. Mais n'y a j'en nous j'ai éclairci. Et nous battez bise pour être expertise. Et si vous ne parlez pas au franchement, et tout de suite n'y a un changement. Et puis nous que fait l'amour, c'est ça l'arrangement. Regardons nous tranchons, laissez-nous sans dérangement. Lentement, rien fait oublier mes contentements. Ouverture du thème français consacré au bal, eh bien c'est Amélie Descrillon qui se prépare là. Amélie Descrillon, ben c'est le nom de l'interprète. Elle a sans doute voulu prendre le contre-pied de la danse macabre de Saint-Saëns. Amélie Descrillon, le bal des vivants. Je les ai attendus au bord du chemin creux. Ils avaient l'air joyeux, tout de couleurs vêtus. J'ai emboîté le pas, ils m'ont dit dépêche-toi. Les chaudrons ont sonné, le bal va commencer. Nous avons tant marché que cette lumière lointaine au fil de nos pas nous avait rattrapés. Quand nous sommes arrivés à la clairière aux chênes, nous étions des centaines, peut-être des milliers. Et je suis avec vous au bal des vivants, et je suis avec vous dans un tableau géant, un manège envoûtant. C'est païen sur ce plancher chantant, personne n'est chancelant, tout le monde se tient bien. Et puis on ne fait qu'un danseur, les musiciens, c'est la magie du bal des vivants. On m'a prise par le bras et on m'a embarqué. Je n'ai pas eu le choix sur l'immense plancher. J'étais bien entourée, le cœur d'une amoureuse. Nous étions un collier à la file d'une brodeuse. La brise, je me souviens, a cessé de souffler. Et vers les musiciens, les yeux se sont tournés. Ils nous ont salués, ils ont posé leurs mains. Le plancher a volé, la musique a joué. Et je suis avec vous au bal des vivants, et je suis avec vous dans un tableau géant, un manège envoûtant. C'est païen sur ce plancher chantant, personne n'est chancelant, tout le monde se tient bien. Et puis on ne fait qu'un danseur et musicien, c'est la magie du bal des vivants. Tous ces pelages brillants, tous ces regards perçants, toutes ces peaux perlées de sueur et d'amitié. Tous ces vivants sauvages, aux multiples visages, toutes ces âmes incarnées, je les ai tant aimées. Cerise sur le gâteau, il y avait dans le lot, cavaliers sans cheval et sans pieds beaux. Des beaux démons valseurs qui savent te faire tourner la tête, la jupe et le cœur. Et je suis avec vous au bal des vivants, et je suis avec vous dans un tableau géant, un manège envoûtant. C'est païen sur ce plancher chantant, personne n'est chancelant, tout le monde se tient bien. Et puis on ne fait qu'un danseur et musicien, c'est la magie du bal des vivants. Quand la musique s'arrête au soleil du matin et que tourne ma tête encore comme un moulin. Quand la musique s'arrête, le plancher redevient ces mille bois cloués presque désenchantés. Car la grande famille des vivants rassemblés pour le temps du repli s'est volatilisée. Et chaque pas posé sur ce plancher magique reste une marque écrite de joie incontestée. Et je suis avec vous au bal des vivants, et je suis avec vous dans un tableau géant, un manège envoûtant. C'est païen sur ce plancher chantant, personne n'est chancelant, tout le monde se tient bien. Et puis on ne fait qu'un danseur et musicien, c'est la magie du bal des vivants. Retour au Tyrol. Alors là, une chanson, c'est une pièce de musée. Hein. Oui, Angela Widol réussit l'exploit de combiner le boogie-boogie avec le tyrolien. Et ça s'appelle Boogie-boogie Jodel Party. Wenn du nicht jodeln kannst, dann musst du es lernen. Und irgendwann, dann bist du echt gut drauf. Dann jodelst dir vom Himmel ein paar Sterne und hängst sie dann am Morgen wieder auf. Fangen wir dann alle mal zum Jodeln an. Tür bergauf. Ihr wollt doch hoffentlich noch nicht ins Bett. Also noch einmal. Schauen wir doch einmal, wer schon ein bisschen kann. Komm und gib nicht auf, das wird schon irgendwann. La Turquie, ben c'est le pays des donmas, des bereks. Shish kebab, dona kebab, kofte et autres loukoum. Techechou, derim, pechaydi, atta de mireur. Giderken tuttu beni, eğildi öptü beni. Ne vefasız yarmış, güm güm. Ne tesun unuttu beni, altın saçlarını hayliye. Fıldır fıldır yürüye, azi burni cürüye. Gel beniye, beniye, altın saçlarını hayliye. Fıldır fıldır fıldır fıldır yürüye, azi burni cürüye. Gel beniye, beniye. Uşaklar tutun, şimdi havalanırım. Bu dere kenarına küm küm düşer yuvarlanırım. Altın saçlı hayriye, fıldır fıldır yürüye. Azi burni cünüye, gel beriye beriye. Altın saçlı hayriye, fıldır fıldır yürüye. Azi burni cünüye, gel beriye beriye. Renaud, oui Renaud, le loubar sympathique, eh bien figurez-vous qu'il en a marre des films porno. Ah, s'achèterait une conduite? Ben non. Et des tous vus. Renaud, c'est mon dernier bal. Les copains, qu'est-ce qu'on fait ce soir, un bossinage? Crotte, allô, t'es non, laisse béton, j'ai une meilleure idée. Cinoche de Créteil, ils jouaient que des pornos. Moi ça me disait trop rien, je les avais déjà vus. J'ai dit à mes copains, y'a un baloche à Sarcelles. On va y faire un saut, y'aura peut-être des morues. Et puis ça fait un bail qu'on sait plus bastonner. Avec de la flicaille ou des garçons bouchés. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y'aura mon portrait. Et on s'est arraché, direction la castagne, la bière à bon marché. Et on n'était pas seul, on avait emmené deux, trois amuse-gueules dont le port est prohibé. On veut pas provoquer, moi je suis pas un fondu. Mais faut bien dire ce qui est, je suis pas un ange non plus. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y'aura mon portrait. Devant la pauvre caissière, on voulait pas payer 25 balles, c'est trop cher. Alors on a profité, pour une fois y'avait pas le service d'ordre de KCP. Pour foncer dans le tas, et puis on s'est pointé direct à la buvette. Où on s'est enfilé chacun nos 8 canettes. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y aura mon portrait. Y'avait une bande de mecs de l'autre côté de la piste qui nous mataient à mort depuis un bon moment. On s'est frité avec, c'était vraiment pas triste. Puis on s'est réconcilié devant une bière en se marrant. Nos jours dans les baloches, on s'exprime, on se défoule. À grands coups de manche de pioche, une fracture, ça dessoule. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y aura mon portrait. Et l'espèce de ringard qui jouait de l'accordéon, on y a fait bouffer avec ses bretelles. Maintenant il a une belle paire de poumons nacrés. Et dès qu'il tousse un peu, il recrache des boutons. Quand ça a dégénéré en baston général, on a vu se pointer les milices rurales. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y aura mon portrait. Avec mon flingue d'alarme, j'avais l'air d'un con devant la Winchester de l'adjoint au maire. Il m'a dit n'avance pas, si tu bouges t'es mort. J'aurais pas dû bouger, maintenant je suis mort. Dans la vie mon petit gars, y'a pas à tortiller. Y'a rien de plus dangereux que de se faire tuer. C'est mon dernier bal, j'en ai reçu une. Putain que ça fait mal de crever sous la lune. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y aura mon portrait. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y aura mon portrait. Bon taouti, bon taouti. Oh bah il faut s'entraîner. Hein. En tout cas, il y en a une qui a dû s'entraîner beaucoup. Et pourtant, elle n'a que 12 ans. La chanteuse a 12 ans. Et elle réalise là, avec cette chanson, une performance vocable remarquable. Léna Thorimbert, retenez bien ce nom, Léna Thorimbert, coucou. Oh, En Turquie, allons prendre un thé ou un café. Tiens, un café turc, vous savez, avec le mar au fond de la tasse. Puis on gardera le mar, puis on trouvera une diseuse de bonne aventure qui nous révélera le passé, le présent, l'avenir, bref. Et on va prendre ce café au café de Pierlotti. C'est à Istanbul. Puis on va en profiter pour faire les achats de souvenirs, pour faire voir aux copains qu'on est allé en Turquie. Alors, qu'est-ce qu'on va ramener de Turquie ? Comme dans tous les pays du Moyen-Orient, un tapis, mais enfin là, il faut s'y connaître. Un yatagan, tiens, un yatagan, c'est un grand poignard recourbé turc. Et ils en font réduction aussi. Hein. Un narguilé, connaissez le narguilé ? Mais là, il faut être prudent et bien faire la différence entre un narguilé pour fumer et un narguilé de décoration. Ben, c'est pas la même chose et c'est pas le même prix non plus. Pour rester plus simple, on ramènera une boisson alcoolisée typique qui s'écrit en quatre lettres, dont le nom commence par Ra et finit par Ki. À consommer avec modération, bien sûr. On ramènera des loukoums très sucrés, à consommer avec modération aussi. Et puis des nazar bonkuk. Ah ça, vous connaissez. Pas le nom, mais vous connaissez. Ce sont des amulettes porte-bonheur qui conjurent le mauvais sort et combattent le mauvais œil. Ce sont des petits objets en céramique avec un œil bleu et blanc à afficher dans l'appartement et on est peinard après. Allez, Bülent Ersoy. Zouk 2018 et dans les premières places de l'huit parade du Zouk antillais, Jim Rama. Alors Jim Rama, on ne sait pratiquement rien sur lui, sauf qu'il est aussi discret qu'efficace et il n'enregistre que des tubes. Jim Rama et Shaba, ta copine. Mmh.

Pense aux doigts qui tous ont laissé quelque je t'aime auprès d'une autre. Dans ce petit bal mal famé, c'en est assez pour que renaisse ce qu'alors nous avons aimé et pour que tu le reconnaisses. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux bonheurs qui sont passés là, simplement comme le nôtre. En Turquie, eh bien, la journée se termine à Kilios. C'est au bord de la mer Noire. Et là, nous allons admirer ce merveilleux coucher de soleil, le sable fin, les vagues, Mustafa Çeçeli. Aklıma geldikçe senin gözlerin, kimse bilmez seni nasıl özledim. Sanma sakın yoldan geri dönerim, söyle seni nerede bulabilirim. Yola çıktım tam şu anda aniden ve dönmeyeceğim seni tekrar görmeden. Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden, simsiyahım farkım yok geceden. Acılarım tutun beni kaldırın, aşkın gelmiş geçmişine saydırın. Suçum aşksa ben cezama razıyım, simsiyahım farkım yok hiç geceden. Suçum aşksa ben cezama razıyım, simsiyahım farkım yok hiç geceden. Bir yağmur yağsa yüzüme yüzüme, kalbim yeter daha fazla üzülme. Su değse de baştan aşağı tenime, simsiyahım farkım yok hiç geceden. Acılarım tutun beni kaldırın, aşkın gelmiş geçmişine saydırın. Suçum aşksa ben cezama razıyım, simsiyahım farkım yok hiç geceden. Suçum aşksa ben cezama razıyım, simsiyahım farkım yok hiç geceden. Şöyle biraz uzansam bir kuytuya, düşman oldum sanki ben bu uykuya. Hiç görünmez oldum senin uğruna, simsiyahım farkım yok hiç geceden. Yola çıktım tam şu anda aniden ve dönmeyeceğim seni bir kez görmeden. Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbimden, simsiyahım farkım yok hiç geceden. Simsiyahım farkım yok hiç geceden. Vous prendrez bien un dernier zouk pour la route. Oui. Eh bien, se positionne aux toutes premières places du top 10 du classement des zouks actuels. Lionel Lillet, viens vite. Viens voulais changer pour me retrouver. En sachant que moi faire mal, excusez-moi. Laissez-moi anti-chance, arrêtez à dans silence. Laissez guère parler. Arrêtez douter. Parce que m'aimais tellement fort. Chaque jour qui a passé, qu'a éloigné nous encore, encore, encore. Fini journée, papa t'y loin. Doudou, papa t'y loin. Dis-moi là où y est. Jour là nous quitter. La vie a moins brisé. On peut pas expliquer. Oui c'est pour m'appeler. C'est pour m'appeler. Moi essayer oublier. Sans jamais arriver. Mais faut arrêter. Moi décidé. Moi de pas la gêne. C'est un fleur en moi. Imaginez, abandonner. Moi, peu que jamais arrivé. Dou, dou, dou, dou. Moi, peu que jamais arrivé. Tout de faux pour partir. Dis-moi si c'est pour la vie. En fait que j'aime partir. Pour vous laisser qu'il y a parlé. Un qui résonne. Passe-moi aimer tellement fort. Dis-moi si c'est pour la vie. En fait que j'aime partir. Pour vous laisser qu'il y a parlé. Un qui résonne. Passe-moi aimer tellement fort. Nous en arrivons à la dernière chanson française consacrée au thème du bal. Alors, c'est une chanson écrite par Robert Niel et Gaby Verlor. Et cette chanson était destinée à Bourvil. Malheureusement, Bourvil, qui tournait un film, n'était pas disponible pour l'enregistrer. Et Juliette Gréco eut vent de cette chanson et trépignait, on la voit bien trépigner, hein, à l'idée de la mettre à son répertoire. Alors, on demanda alors à Bourvil s'il permettait que Juliette Gréco la chante avant lui. Et Bourvil, très chic camarade, il accepta. Oui, il n'y a qu'à lui laisser. Bourvil, le petit bal perdu. C'était tout juste après la guerre. Dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.